Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Vous êtes-vous déjà rendu sur la place de la Concorde à Paris un 21 janvier au matin ? C'est là que se réunissent encore chaque année quelques-uns des derniers partisans de la monarchie en France pour commémorer l'exécution du roi Louis XVI en 1793 et manifester par la même occasion leur nostalgie de l'ancien régime. Autre cercle, autre mœurs, chez certains partisans de l'idée républicaine, on se réunit aussi le 21 janvier, mais pour déguster une tête de veau assaisonnée d'un brin de malice. Le souvenir des Bourbons, dit-on, est un plat qui se mange froid ou chaud selon les préférences culinaires de chacun. Mais ce souvenir royal n'est pas visible seulement dans les pèlerinages ou les traditions même les plus farfelues de notre époque. Non, ce souvenir a imprimé sa marque durablement dans notre vie politique, car depuis les débuts de la période révolutionnaire, la même question se pose, forcément très différemment selon les contextes, quel pouvoir accorder ou concéder au souverain ? Que faire de ce souverain pour limiter son pouvoir de nuisance lorsqu'il se manifeste ? Alors attention, que les historiens parmi nos auditeurs ne se fâchent pas ou pas tout de suite. On n'établira pas ici de grande continuité hasardeuse entre la fuite du roi à Varennes et celle de De Gaulle à Baden-Baden en 1968. Non, l'histoire ne se répète jamais, on le sait. Mais puisque nous sommes depuis 1958 sous le régime d'une monarchie républicaine, comme la chose a été suffisamment écrite et commentée, eh bien il n'est peut-être pas inutile de revenir sur un épisode marquant entre tous, le procès et la mort du roi. La mort symbolique de l'ancien régime et ses conséquences politiques, c'est ce qui nous est raconté par l'historien François Furet au micro de Pascal Werner dans cette émission de 1989. (1789-1799) L'invention de la démocratie moderne. Le procès du roi et la mort symbolique de l'ancien régime. Une émission de Pascal Werner avec François Furet. Il y a une étrangeté à se replonger dans le procès du roi, parce que le procès du roi est étrange, parce que le personnage est étrange, parce qu'il est étrange de l'avoir accompagné 4 années de suite et d'en finir avec lui si tard, avec cet homme qui n'a cessé de combattre la révolution, qu'il a toujours trahi cette révolution. Mettez-vous dans la tête d'un roi de France à la fin du XVIIIe siècle, comment vous voulez qu'il accepte ? Oui, mais... Il n'avait même pas les moyens de comprendre ce qui se passait. Absolument, le jugement. Il doit faire passer un descendant de Louis XIV au sort de premier fonctionnaire de la souveraineté du peuple, comme ça. Par conséquent, le conflit entre la monarchie et la révolution, il était presque inévitable. Il aurait fallu un roi exceptionnellement intelligent, exceptionnellement libéré, capable de lutter contre l'aristocratie. On est tombé sur un des plus mauvais rois de l'histoire de France, pas au sens moral, c'est un homme tout à fait estimable, et même à certains égards héroïque, mais au sens politique, c'est un très mauvais politique. Mais alors, c'est là où on est quand même un peu stupéfait, parce que Jaurès et Michelet ont compris l'enjeu symbolique et l'enjeu politique de ce procès. Ils ont compris à quel point une société qui avait le sentiment de l'égalité devait se défendre contre une société qui était légitimée par le droit divin, la hiérarchie, les relations de dépendance personnelle, toute cette mainmise autoritaire et sacrée sur les êtres humains. Et les conventionnels avaient peur, selon des degrés différents, des préjugés royalistes qui pouvaient encore être des préjugés populaires. Ce qui m'étonne, c'est qu'on en oublie le combat. On l'oublie pas vraiment, si. Quand on fait du procès un acte terroriste, on oublie le combat. Qui fait ça ? Moi, je pense d'ailleurs que la royauté était morte dans le courant du XVIIIe siècle et avant. Je pense que la Révolution française a guillotiné un roi déjà largement détruit mort dans l'opinion. Mort dans l'opinion. Un jour peut-être les hommes, aussi éloignés de nos préjugés que nous le sommes de ceux des Vandales, s'étonneront de la barbarie d'un siècle où ce fut quelque chose de religieux que de juger un tyran, où le peuple, qui eut un tyran à juger, l'éleva au rang de citoyen avant d'examiner ses crimes, songea plutôt à ce qu'on dirait de lui qu'à ce qu'il avait à faire, et d'un coupable de la dernière classe de l'humanité, je veux dire celle des oppresseurs, fit, pour ainsi dire, un martyr de son orgueil. Saint-Just, 13 novembre 1792. Michelet disait que le jugement des rois est la révolution. Alors, quelle est la façon de l'interpréter en son temps? C'est peut-être là où la distance historique est la plus décisive. Oui, c'est surtout Michelet qui a donné le sens le plus symbolique au procès du roi. François Furet. Dans la mesure où la révolution avait mis le peuple à la place du roi, c'est le peuple qui est devenu souverain. Évidemment, il n'y a pas place pour les deux dans cette mesure. L'homme qui avait usurpé cette souveraineté si longtemps était coupable d'avoir faussé les vrais principes d'une société. Ceci dit, dans l'époque, il y a eu plusieurs significations, à mon avis. La signification la plus radicale de la mort du roi, elle est naturellement dans Saint-Just. Il n'y a pas de possibilité de régner justement. Régner n'est pas innocent, oui. On ne peut pas régner innocemment. Il n'y a pas de roi qui ne soit justiciable d'une peine capitale immédiate, même sans jugement, puisqu'un roi est hors du droit commun par définition, et par conséquent, il n'y a même pas de rapport de justice entre un roi et un peuple, il n'y a pas de jugement à prononcer. Enfin, il fait du roi une sorte d'ennemi public. Donc, c'est la définition la plus radicale du régicide. C'est un régicide qui n'a pas besoin de jugement, puisque c'est un retour à l'ordre naturel des sociétés que de supprimer le roi. Le roi est une sorte d'absurdité. C'est un homme hors du contrat social. Robespierre a une argumentation un peu différente. C'est une argumentation un peu plus politique. Le roi qu'on juge a été renversé par le peuple, ou dissoute, et par conséquent, si on ne condamne pas le roi, on désavoue le peuple. Par conséquent, il est très difficile de même le juger, puisque le jugement a été de facto prononcé le dissoute au moment de la prise du Tuileries et du renversement de la royauté. Pour la plupart des députés de la Convention, l'argumentation est moins radicale. Le roi avait trahi la nation et par conséquent, il était incompatible avec la nation. À cet argument, il est vrai qu'on peut apporter un bémol puisque la guerre elle-même avait été voulue non seulement par la royauté, mais aussi par la Révolution, Robespierre mis à part. Si bien qu'on peut penser, moi j'incline à penser que la Révolution n'avait été si belliciste que pour précisément démasquer la royauté, lui tendre une sorte de piège et la mettre hors la loi. Les plus radicaux des révolutionnaires ne voient pas de compatibilité possible entre la Révolution française telle qu'elle a pris forme non seulement en 89 mais au dissoute et la royauté. Les moins radicaux, ceux qui deviendront après les Girondins, pense que, de toute façon, compte tenu de la situation internationale, des engagements de la France révolutionnaire et des réticences, pour dire le moins, et du début de trahison que les papiers découverts dans l'armoire de fer révèlent, il n'y a pas non plus de compatibilité entre la nation en guerre et la royauté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord sur la peine, mais ils sont au moins tous d'accord sur le verdict. Personne ne croit le roi innocent. Il s'est formé entre les brigands couronnés de l'Europe une conspiration qui menaçait non seulement la liberté française, mais encore celle de toutes les nations. Tout porte à croire que Louis XVI fait partie de cette horde de conspirateurs. Vous avez cet homme en votre pouvoir, et c'est jusqu'à présent le seul de sa bande dont on se voit assuré. Je considère Louis XVI sous le même point de vue que les deux premiers voleurs arrêtés dans l'affaire du garde-meuble. Leur procès vous a fait découvrir la troupe à laquelle ils appartenaient. Tom Penn, 21 novembre 1792. Les démêlés de la Convention à propos du roi sont quand même assez violents. L'appel au peuple demandé par les Girondins est refusé. Le jugement par un tribunal d'exception est refusé. On se trouve dans cette situation qui est inédite de voir le roi condamné par la Convention elle-même, par la Convention qui avait voulu jusqu'alors séparer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est une sorte de situation inédite. Est-ce qu'elle est très dangereuse? Ils ont hésité en réalité parce qu'il y avait quand même de grands problèmes juridiques pour juger le roi. Dans Louis XVI, à cette époque, il y avait deux personnes. Il y avait ou bien le Bourbon jusqu'à 89, le roi absolu de la France, le descendant de Louis XIV, de Louis XV. C'est pas celui-là qu'on juge. C'est le roi de 1791, c'est le roi qui a été renouvelé par un compromis avec la Révolution. Il n'y a que Saint-Just et Robespierre, si vous voulez, qui disent « mais non, c'est un roi de toute façon, il n'est pas compatible avec la Révolution ». L'immense majorité des députés, y compris une grande partie de la future Montagne, pensent qu'il faut le juger en droit. Autrement dit, ce n'est pas un acte terroriste, le jugement de Louis XVI. Il y a eu un mois de discussion pour savoir s'il est inviolable ou pas. Parce qu'en fonction du texte de 1791, le pouvoir exécutif était inviolable dans l'exercice de ses fonctions. Et puis, il y a le deuxième problème, qui va juger ? Est-ce qu'on va faire une cour de justice particulière ? Est-ce que ce sera la Convention, la représentation du peuple ? Ils décident aussi que c'est la Convention. Et ensuite commence le procès sur la peine. Tous pensent qu'il est coupable parce que, vous savez, on a découvert en novembre, dans un mur des Tuileries, des papiers qui n'établissent pas, à proprement parler, la trahison, mais qui établissent au moins que Louis XVI et sa famille ont correspondu avec les étrangers. Ce sont des lettres à l'empereur d'Autriche, qui est donc le beau-frère de Louis XVI, et bon, une correspondance avec les futurs ennemis de la France. Ce que montre cette correspondance, c'est ce que les révolutionnaires savaient déjà depuis Varennes. Personne ne pouvait l'ignorer, que Louis XVI était hostile à la Révolution française, qu'il n'avait fait ses concessions verbales, ses reconnaissances de constitution que forcées par les circonstances, et qu'au fond, la guerre avait été pour lui une tentative de reprendre l'autorité qu'il avait été obligé de lâcher. Mais enfin, les gens de la Convention sont plus préoccupés qu'on ne l'a dit, et qu'ils ne le seront d'ailleurs après, pendant la Terreur, de la lettre du droit. D'ailleurs, Jaurès a parfaitement raison, il dit que ce sont des grands débats, parce que ce sont des grands débats sur la loi. Alors même si on n'arrive pas à faire coller tout à fait le jugement avec le texte de 91, comme le dit un historien américain, Walzer, qui a fait l'histoire de ce procès. Michael Walzer, qui a écrit un livre sur le régicide. La Convention a mis le maximum de légalité dans ce procès qui était un peu acrobatique par rapport au texte de 91. Alors donc, ils pensent tous que Louis XVI est coupable, mais ils sont profondément divisés dès le début sur la peine. Est-ce que ce sont des débats stratégiques de oui. savoir si on va bannir le roi, si oui. on va en faire comme le veut Thomas Paine, qui est à ce moment-là député, si on va l'envoyer aux États-Unis devenir serrurier et apprendre ce que c'est que la prospérité, ou si on va le punir et le faire mourir, ou si on va tout simplement en faire un prisonnier jusqu'à ce qu'on sache... Oui, bien sûr. Ceux qui sont les plus modérés de cette convention qui commence ne sont pas pour la mise à mort. Parce que la mise à mort de Louis XVI, c'est quand même l'accentuation de la guerre civile intérieure, enfin, ou des tensions, il n'y a pas encore de guerre civile, mais de tensions civiles intérieures. Et puis aussi, c'est perdre un otage vis-à-vis de l'Europe. C'est vraiment verser le sang avec la dynastie Bourbon. C'est ouvrir un conflit à peu près infini et infinissable avec l'Europe, tandis que les plus radicaux, qui seront les futurs montagnards, pensent que la mort du roi doit être assumée jusqu'au bout, y compris, c'est la mort de la royauté. La guillotine, c'est oui. la mort de la royauté. Ils ont eu tous le sentiment que de voter la mort du roi, c'était se fermer tout chemin de retour en arrière, qu'il n'y aurait plus jamais de négociation, soit avec l'ancien régime français, soit avec les monarchies européennes. Et ça, ça donne aussi de la grandeur au débat. Ceux qui veulent épargner le roi ne sont pas simplement des gens qui ont des préoccupations humanitaires, encore que chez Penn, ça compte beaucoup, mais aussi des gens qui pensent que le roi peut être négociable. Tandis qu'à partir du moment où on tue le roi, sa descendance est en prison, son fils, il n'y a plus de retour en arrière. C'est aussi le symbole physique du sang versé. Le sang versé en histoire, ça ne peut pas s'oublier. Par conséquent, c'est capital. Mais il y a quand même une énorme différence entre la Révolution française et la Révolution russe. Les bolcheviks russes ont aussi exécuté le roi, et non seulement le roi, toute la famille royale, mais ils l'ont exécuté sans jugement, sommairement, dans une cave. C'est-à-dire la Révolution française a eu cette espèce de sombre grandeur de faire le procès de la monarchie publique avec le procès du roi. C'est-à-dire qu'elle a eu, même dans son régicide, une sorte de souci d'affirmer la loi nouvelle dans l'incompatibilité enfin, du roi et de la souveraineté du peuple. On ne peut point régner innocemment. La folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Saint-Just, 13 novembre 1792. Depuis longtemps, les rois ne sont que des hommes aux yeux de la raison. Et le temps approche où ils ne seront aussi que des hommes aux yeux de la politique. Mais le moment où les préjugés qui environnaient les trônes achèvent de disparaître, et où cependant l'influence des rois sur les destinées des peuples subsiste encore, doit être aussi le seul où il soit enfin possible, et où il soit encore utile de développer les droits qu'ont les peuples sur ces êtres, entourés par l'erreur et la bassesse des fantômes de toutes les superstitions. C'est quand il n'y aura plus en Europe qu'un seul roi à juger, que son procès, devenu une cause ordinaire, ne méritera plus de fixer les regards des nations. Condorcet, 3 décembre 1792. Ce sont les premiers mois de la Convention, qui s'est réunie le 21 septembre après le 10 août, et donc après la première terreur populaire à Paris, notamment après les massacres de septembre, et l'atmosphère est très tendue. Le procès commence. L'atmosphère est très tendue, il y a déjà des groupes. Se passe entre novembre et janvier 1993. Oui. Il y a déjà des gens qui ont peur du coup d'accélérateur et de la radicalisation de la révolution qui s'est produite au 10 août. C'est Brissot et ses amis. Et puis au contraire, Robespierre, qui est maître des Jacobins depuis octobre seulement, qui a fait exclure Brissot. Robespierre, Marat, Danton aussi d'ailleurs à cette époque, sont les gens qui poussent en avant la révolution et qui poussent à la radicalisation. Par conséquent, le procès du roi s'opère dans un climat de guerre des partis, si on peut parler de partis, à l'intérieur de la Convention, mais enfin, la masse de la Convention est indécise. Et vous avez aux deux bouts les gens qu'on va commencer à appeler les Brissotins, mais ils n'existent pas encore, justement. Ce sont les futurs Girondins. Ce sont les futurs Girondins. Et le procès du roi va être un des premiers éléments qui dissocie. Stratégiquement, bien qu'encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, il y a des futurs Girondins qui voteront la mort du roi, il y a de futurs Montagnards qui ne la voteront pas. Mais enfin, grossièrement, on peut dire que le procès du roi est la première grande différenciation après la dictature de Paris en août entre ce qui va devenir les Girondins et ce qui va devenir les Montagnards. Il y a beaucoup de tensions dans cette affaire. Citoyens, l'Assemblée a été entraînée, à son insu, loin de la véritable question. Il n'y a point ici de procès à faire. Louis n'est point un accusé. Vous n'êtes point des juges. Vous ne pouvez être que des hommes d'État et les représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Robespierre, 3 décembre 1792. Citoyens, dans une question aussi importante par ses relations intimes avec la tranquillité publique et la gloire nationale, il importe de ne pas prendre ses passions pour des principes ou les mouvements de son âme pour des mesures de sûreté générale. Vergniaud, 31 décembre 1792. Mais encore une fois, je comprends bien les tensions, je comprends mal les enjeux stratégiques à part les horizons de parti, parce que plus personne ne peut continuer le compromis avec le roi, c'est exclu. C'est fini une fois que l'insurrection parisienne a obligé la Convention et toute la Convention à déposer le roi, il n'est plus possible de faire marche arrière. Alors de toute façon, la République a été proclamée. Oui, mais tant qu'il est vivant, il est possible à restaurer. Vous ne pouvez pas faire croire facilement. Il est tellement discrédité. Écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu pour sauver. N'oubliez jamais que sa dynastie a 8 siècles. Oui. Et que vous n'arrachez pas de l'histoire d'un peuple 8 siècles comme ça, en 8 mois. Et que par conséquent, pour les révolutionnaires français, Louis XVI vivant, c'est quand même un roi qu'on peut restaurer. En plus, ils avaient quand même l'exemple anglais. Il est vrai que l'Angleterre, là, avait tranché la tête de Charles Ier en 1649. N'empêche que son fils était revenu au pouvoir. Il avait été banni après. Bien sûr. Alors, donc on avait en fait deux précédents possibles. On avait à la fois le meurtre du roi et on avait aussi le bannissement possible. Les deux solutions étaient praticables. Absolument. Mais elles avaient un degré de radicalisme différent. C'est vrai que l'exécution, verser le sang des rois, était un acte de désacralisation complète. Ce que dit Michelet, il fallait montrer cette tête vide. Cette tête dorée, toute vide, cette tête dorée, c'est-à-dire montrer que la monarchie était une idole à la place du peuple, alors que le vrai pouvoir souverain, c'était le peuple. Oui. Et ça, Michelet comprend les choses, à mon avis, très profondément. La question qui est même encore plus compliquée à imaginer, c'est de savoir si les Français étaient encore vraiment royalistes à cette époque. Non, mais alors... C'était comme le... Michelet dit les deux choses, parce que quand il raconte le régicide, il montre la vertu pédagogique du procès du roi, moins du régicide que du procès, de l'exhibition, si vous voulez, de la monarchie. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf de croire qu'on pouvait faire le procès du roi et ensuite le laisser vivre de sa vie, comme si le peuple avait été éduqué à travers ce procès? Est-ce que ce n'est pas une naïveté? C'est une naïveté, mais en même temps, la Révolution avait voté l'abolition de la peine de mort. Et Robespierre aussi. Par conséquent, la Révolution n'était pas a priori pour les peines capitales. Oui, c'est là où on a ces extraordinaires paradoxes où Condorcet, qui est républicain avant tout le monde, se refuse à voter la peine de mort par principe, et où Robespierre, qui était contre la peine de mort mais qui n'était pas républicain, votera la peine de mort. Absolument. Alors, c'est là où, au-delà des enjeux stratégiques, on voit peut-être des comportements politiques très très marqués qui nous en disent long sur ce que c'est que la classe politique de la Convention. Quand on voit les positions de Condorcet, qui sont sereines, on voit un homme qui, au fond, était habitué à côtoyer les grands et qui ne s'inquiète pas, outre mesure, du danger du pouvoir royal. Pour lui, le roi va être défait, on va instaurer la République, et il croit à la pédagogie du procès, comme Michelet. Bon, quelqu'un comme Marat, lui, parle au contraire du roi, non pas comme d'une idole déjà déchue, mais comme d'un monstre sanguinaire. Oui. Quelqu'un comme Robespierre en parle comme d'un danger public. Quelqu'un comme Saint-Just en parle comme d'un hors-la-loi. Oui. Et parle du souci de fonder la République. C'est peut-être lui qui est le plus politique. Robespierre aussi, d'ailleurs, en pensant à la raison d'État, il ne se trompe peut-être pas. Mais il y a une distance différente dans la classe politique, la distance la plus grande étant marquée entre Marat et Condorcet, qui parle d'une idole déchue. Oui. Il y a bien sûr Thomas Paine, pour qui le sentiment démocratique est déjà tellement intériorisé. C'est un Anglais qui a participé à la Révolution américaine. Et pour lui, il n'y a pas de distance du tout avec le roi, on le sent bien. Penser que le roi peut se métamorphoser en serrurier à vie, ça prouve qu'il est déjà entièrement empli du sentiment démocratique. Pas ceux qui veulent le régicide. Et ça nous laisse comprendre beaucoup de choses de la Révolution. Vous voulez dire que les plus féroces dans le sens de la peine capitale sont les plus radicaux, sont ceux aussi qui ont de l'image du roi le sentiment le plus fort. Une plus grande peur du roi, une plus grande peur de son retour, une moins grande habitude du prestige royal et de sa défaite. Des gens pour qui, sans doute, le pouvoir royal a été plus intériorisé et a été plus menaçant. Cela, c'est vrai. Et puis, de toute façon, plus on est avancé dans le camp révolutionnaire, plus on a tendance à majorer le danger formidable de la contre-révolution. Marat est un obsédé de la contre-révolution depuis le début, depuis son journal, depuis septembre 89. C'est-à-dire, même quand la contre-révolution était très faible, il n'a cessé de dire aux Français, attention, ce sont des monstres épouvantables qui vont reprendre le pouvoir, etc. Alors, il se trouve que, progressivement, avec la guerre, la contre-révolution a pris forme et qu'il en a tiré une sorte de confirmation. Mais c'est vrai qu'il y a dans toute l'idéologie révolutionnaire la formidable charge de l'idée du complot contre-révolutionnaire à déraciner, à chaque fois déminé, et que la mort du roi, c'est quand même la mort du chef aussi présumé de la contre-révolution. Donc la révolution se pense comme une lutte à peu près interminable contre la contre-révolution, et de ce point de vue-là, c'est Marat, effectivement, qui a la vision la plus extraordinairement... intériorisée d'une monarchie comme une source permanente de complots contre le peuple, etc. Je le répète, ce serait outrager à la fois toutes les lois que de les invoquer en faveur de l'ex-monarque. Toutes le condamnent comme un dilapidateur, un prévaricateur, un traître, un conspirateur, comme un tyran souillé de tous les crimes, comme un monstre encore tout couvert du sang de ses concitoyens qu'il a fait égorger. Marat, 3 décembre 1792. L'ironie de toute cette histoire pour un historien, si on peut parler d'ironie, c'est que il y a une continuité entre la souveraineté monarchique et la souveraineté démocratique, entre la souveraineté des rois de France et la souveraineté du peuple, dans la mesure où il a fallu, dans un pays comme la France, la monarchie absolue pour constituer la notion de souveraineté qui sera ensuite dévolue au peuple. Autrement dit, les deux mythes fondateurs qui s'affrontent sont en réalité des images successives de la souveraineté dans l'histoire de notre pays. Mais à la fin du XVIIIe siècle, ce sont deux images contradictoires, bien que l'une, la souveraineté monarchique, ait été probablement historiquement nécessaire à constituer l'autre, la souveraineté démocratique. Quelle république que celle dont les fondateurs lui suscitent de toutes parts des adversaires pour l'attaquer dans son berceau. Robespierre, 3 décembre 1792. Ce moment montre la fragilité de ce pouvoir républicain qui vient de naître. On était en pleine guerre et il était redoutable de laisser sans garantie un pouvoir qui était tout neuf et qui était né d'une seconde révolution, la révolution du 10 août 92. Personne n'avait prévu le passage brusque à la République. Oh, l'insurrection du 10 août, si, elle a été prévue, mais elle a été prévue... Vous suggérez qu'elle a été peut-être même organisée par les Jacobins. Oui, quelques mois avant. Il y a eu progressivement des sections qui se sont déclarées pour la révision de la Constitution. Il y a eu la journée du 20 juin. Qui a échoué, mais c'est une répétition générale. Je veux dire, le 10 août, il y a beaucoup de préparation, incontestablement. C'est le mouvement des sections. C'est le mouvement des sections. C'est le mouvement des fédérés. Auquel Robespierre se rallie fin juillet. Vous parlez-vous d'un double pouvoir ? Tout le monde n'en parle pas. Oui, absolument. La Convention cède tout de suite, mais la Convention n'avait pas envie de suspendre la royauté. Elle la suspend parce que les sections et le peuple prend les Tuileries et elle a la main forcée. Et donc, à partir du 10 août, le roi est suspendu. Et la République est décrétée quand la Convention se réunit le 21 septembre, mais il y a, disons, 6 semaines pendant lesquelles Louis XVI n'est plus roi, mais il n'y a pas non plus de République. C'est même un état tout à fait curieux, puisqu'entre le 10 août et le 21 septembre, on ne sait pas quel est le régime français. C'est là où on peut parler d'improvisation d'un côté et d'un autre côté d'impréparation de la classe politique. Mais vous parlez de classe politique, est-ce que c'est un concept bien utile parce que... Il n'y a pas vraiment de classe politique constituée et qui est un minimum d'accord sur les événements. Ce qui est frappant dans cette séquence de la Révolution française, c'est l'extraordinaire rapidité des événements que personne ne contrôle. Regardez le massacre de septembre. C'est un épisode lugubre de la Révolution française. Bon, les gens vont couper le cou à des droits communs, à des prêtres, de gens qui étaient dans les prisons parisiennes. Il y a 1200 à 1500 morts. Et tout ce que vous diriez la classe politique s'étouffe. Personne ne dit rien. Roland, qui est ministre de l'Intérieur, qui, Dieu sait, n'aime pas ça, ne dit rien. Danton, qui est ministre de la Justice, ne dit rien. Personne ne dit rien. Alors que... Tout le monde est tétanisé. Tout le monde est effrayé. Oui, y compris Robespierre, y compris l'Intérieur. C'est effrayant parce que c'est quelque chose que personne n'a prévu, que personne n'a commandé. Et même Marat, quand il appelle à la vengeance, n'appelle pas à ça. Quand vous avez subitement ces massacres à forme si primitive, ça effraye tout le monde. Mais... c'est la révolution qui passe en même temps. Si vous voulez, ça met en spectacle ce que j'écris souvent, à savoir que la révolution à cette époque passe à travers les hommes, comme une force qu'ils ne contrôlent pas, plus que les hommes ne dirigent la révolution. Si on vous demande quel est l'homme qui, entre juin et septembre, et la réunion de la Convention en 92, a vraiment réfléchi, organisé, dominé tout le changement, il n'y a personne. Alors, en ce sens, le procès du roi qui restabilise les choses, qui régularise de nouveau le contrat social et qui est prévu comme tel, quelles que soient les dissensions des artisans de la Convention, ce procès est un acte de maîtrise politique. C'est un acte de maîtrise dans la mesure où ça supprime l'Ancien Régime. Si vous voulez, la France avait en 89 liquidé l'Ancien Régime sous la forme de la société aristocratique. Elle avait conservé l'ancien roi de France, dans une position tout à fait subordonnée, et dans des institutions qui étaient quand même des institutions à souveraineté populaire. C'était quand même une constitution hybride, la constitution de 91. Plus qu'hybride, c'était une constitution presque républicaine dans laquelle on avait gardé le roi. Oui. Mais le garder le roi comme premier fonctionnaire. Et c'est un rôle qui laissait juste assez de l'ancien régime comme symbole, c'est-à-dire le roi, pour exciter aussi les forces révolutionnaires à le liquider. C'est au fond une combinaison qui n'avait pas grande chance de marcher. Et qui, en plus, après Varennes, n'en a plus aucune. Varennes, c'est, il faut le rappeler, juin 91, c'est-à-dire plus d'un an avant. La mise à mort du roi accomplit la fin complète de l'Ancien Régime. Il n'y a plus de roi, même physiquement. Il n'existe plus. La table rase révolutionnaire est accomplie. Mais la Révolution se trouve devant le problème très difficile de faire des nouvelles institutions. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir déclaré la République. Il faut encore voir comment s'organise une République. Fonder la République, voilà, comme ils le disent tous. Ils ont très nettement le sentiment que cet acte fondateur réclame des énergies, du travail et que ça n'est pas fait. Oui. Alors, le procès dont veulent se passer Saint-Just et Robespierre, ils redoutent, eux, que ce soit un cours de monarchie tant ils ont peur de ce spectre du roi, encore une fois. Absolument. Ce procès est censé remettre les choses en place, parce que malgré tout, il a lieu. Oui, mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que Robespierre et Saint-Just ne sont pas les vainqueurs du procès, parce qu'ils préconisent une procédure que la Convention refuse. Les gens qui gagnent au procès, disons, c'est l'aile la plus légaliste des montagnards qui sont pour un procès, pour une sentence et pour une mise à mort légale. C'est ce à quoi alors les futurs Girondins s'opposent en essayant l'appel au peuple, qui ne passe pas non plus. Ce qui est intéressant dans ce procès, c'est que les vainqueurs, c'est plutôt des gens comme Barrère. D'ailleurs, c'est Barrère qui prononce probablement le discours le plus fondamental au début janvier contre l'appel au peuple. Les mêmes hommes qui vont juger Louis ont une république à fonder. Ceux qui attachent quelque importance au juste châtiment d'un roi ne fonderont jamais une république. Saint-Just, 13 novembre 1792. Aujourd'hui, le procès, peut-être aussi depuis Camus, comme Michael Walser le fait remarquer, c'est-à-dire depuis le XXe siècle et depuis le spectre du totalitarisme, le procès du roi passe pour le prélude à la terreur. Et peut-être qu'on pourrait s'y arrêter un moment, parce qu'en le comparant avec la tradition anglaise, ce que fait à longueur de temps Michael Walser. C'est vrai qu'apparemment, les deux situations sont comparables. Vous avez deux rois détrônés et qui sont jugés par la représentation du peuple. Avec cette différence qu'en France, la Convention a été élue en septembre, et c'est la Convention entière qui juge, tandis que dans le procès de 1649, c'est un Parlement croupion, c'est une partie des membres du Parlement anglais désignée par Cromwell. Donc la légitimité du tribunal est beaucoup plus fragile. Énorme différence aussi, le roi d'Angleterre déchu, Charles Ier, se défend dans la Constitution anglaise, c'est-à-dire il n'a pas d'hésitation sur ce qu'il est. Il est le roi de la Constitution anglaise, Constitution très ancienne, que personne ne discute puisque la Révolution anglaise s'est faite au nom du rétablissement de cette Constitution que le roi avait violée. Autrement dit, les deux parties sont sur le même terrain, ils discutent la Constitution anglaise et le roi Charles Ier, qui d'ailleurs écrase ses juges, alors que ce n'est pas du tout le cas de Louis XVI. Et qui refuse d'être jugé par eux. Et qui refuse d'être jugé, leur dit « Vous êtes complètement illégitime. Regardez la Constitution anglaise. Il y a un roi dans la Constitution anglaise, ce n'est pas Cromwell, c'est moi. » Il y a une défense très brillante d'un roi qui était plutôt moyen intellectuellement, parce qu'il est sur un terrain sûr, sur un terrain où il peut battre ses juges. Tandis que Louis XVI, comme l'a bien montré Jaurès, ne s'est pas défendu comme roi d'Ancien Régime. Après tout, il avait quand même derrière lui 8 siècles de familiarité avec la nation, comme le dit Jaurès. Il pouvait invoquer Saint-Louis, Henri IV, Louis XIV, etc. Il y avait quand même une histoire des Bourbons. Et du prestige. Et de la nation. Et vous savez que Jaurès a réécrit son plaidoyer. Oui, ça c'est qu'il a trouvé très surprenant que Jaurès se soit parce mis à la place du roi. Parce qu'il a trouvé qu'il avait été mal défendu, qu'il s'était mal défendu. Effectivement, Louis XVI a comparu 2 fois devant la Convention. Il a fait une défense un peu misérable, niant les papiers qu'il avait lui-même signés, niant que ce fût sa signature. Il a fait une défense petite et une défense d'huître, dit Mona Ozouf. Voilà. Autrement dit, il s'est défendu sur le terrain de la Révolution. Il s'est défendu comme roi de 91. Il n'a pas du tout essayé de tracer l'histoire de sa famille. Il a simplement réfuté qu'il ait été citoyen. Voilà. Il a dit « Je ne le suis pas ». ».« Je ne le suis pas, mais je suis le roi ». ».« Je ne suis pas Capet ». Je ne suis pas Louis Capet, je suis Louis XVI. Et du coup, il est sur ce terrain-là, sur le terrain de 91, il était mal à l'aise, à mon avis, parce qu'en plus, il y a une guerre étrangère qui n'est pas dans le cas anglais. Donc, il avait tout l'investissement national, disons, contre lui. Et je ne crois pas qu'on puisse comparer terme à terme les deux procès, parce qu'il y en a un qui est au fond un sauvetage de la monarchie, c'est celui de Charles Ier. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le régicide anglais n'a pas tué la monarchie anglaise, puisqu'elle existe toujours. Oui. Alors que dans le cas de Louis XVI, il y en a un qui est un enterrement de la monarchie. Et je crois qu'on peut dire que la Révolution française a tué la monarchie en France. Alors c'est ça que je trouve un peu caché dans Walser. Il ne voit pas la formidable dénivellation. Il voit une différence religieuse. Voit une différence entre la Révolution puritaine et la Révolution jacobine. Oui, c'est vrai. Il voit qu'il y a aussi quelque chose de commun que j'ai oublié de dire en Angleterre entre le roi et ses accusateurs, c'est qu'ils sont tous les deux dans la religion. Chez Louis XVI, effectivement, le procès est laïcisé, Walser a raison, et s'il n'y a pas d'ordre divin, on enlève une grande partie de ses justifications à la monarchie. Louis XVI avait constamment en vue Charles Ier. Oui. Il a tenté, par la fuite à Varennes, de rejoindre des troupes en Lorraine. Bon, ça c'était un cas d'ailleurs de déchéance, celui qui abandonne son pays. Après Varennes, effectivement, il y aurait pu y avoir un procès du roi après Varennes. Oui. Bon, on ne l'a pas fait. La même chose. On ne l'a pas fait parce que les modérés de la Révolution française, les Feuillants, Barnave, Duport, les Lamettes, ne l'ont pas voulu parce que supprimer le roi, c'était entrer dans l'aventure. C'était entrer dans une république. Tous les gens de cette époque, Robespierre compris, pensaient que la république était impossible dans un grand pays. Que la république, c'était la démocratie directe, comme dans les états de l'Antiquité. C'est-à-dire, on réunissait les citoyens sur la place publique, sur l'agora, on leur faisait passer les lois, nommer les magistrats. Personne n'avait l'idée qu'on puisse faire facilement une république dans un grand état-nation constitué par les monarchies. Et la France était la plus grande des monarchies, 28 millions d'habitants. Voilà, il y avait Condorcet qui, toujours un peu utopiste, disait « mais non, après tout, si on suppose des hommes raisonnables, le roi occupe simplement la fonction de la raison, par conséquent, on n'a pas besoin d'un roi mécanicien ». Les rouages de la société marcheront tout seuls. Condorcet est toujours extraordinairement aveugle à une anthropologie pessimiste sur les hommes, au jeu des passions. Oui. Et alors, effectivement, si on suppose des hommes rationnels, il n'y a même plus besoin de gouvernement. La République devient un régime transparent, fonctionnant toute seule, par ses propres mécanismes internes. Et c'est ça la justification de Condorcet, juste après Varennes, à un moment où Robespierre n'est pas républicain, lui, parce qu'il pense que c'est une aventure aussi dangereuse. Mais Robespierre était dès après Varennes pour le jugement du roi seulement, pas pour la République. La Révolution française a sauté dans la République presque sans le vouloir. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la classe politique, pendant toute une période, a cherché un compromis avec le roi, et ce compromis s'est trouvé impossible. Alors, je vous pose cette question à vous, parce qu'on vous dit nostalgique d'une solution à l'anglaise. C'est-à-dire, bon, on vous reproche de constamment regretter que la Révolution française n'ait pas réussi le compromis avec la monarchie. Je pense qu'il était impossible en France, si vous voulez. Je l'écris souvent, je sais pas pourquoi on me prête toujours des sentiments, etc. Et qu'à lire ce que j'écris, c'est plus simple. Étant donné l'évolution de l'histoire de France, je pense qu'une solution à l'anglaise était impossible en 89, que les monarchiens ont été battus parce qu'ils faisaient appel à une tradition qui n'avait pas d'existence dans l'histoire de France, qui était une souveraineté partagée entre le roi de France et un parlement, formé de deux chambres. C'est ça, la monarchie anglaise. En France, l'histoire avait évolué autrement qu'en Angleterre. Depuis plusieurs siècles, c'est la monarchie qui avait absorbé tout le pouvoir. Et du coup, la Révolution française s'est trouvée devant ce problème de penser la nouvelle souveraineté du peuple. Et très spontanément, elle l'a pensée sous l'aspect de l'ancienne souveraineté absolue des rois, c'est-à-dire le grand legs caché de la monarchie à la Révolution démocratique en France, c'est la souveraineté absolue. Et c'est un des drames de la Révolution française, mais c'est un des drames que je crois presque inévitable, que d'en avoir pas pu penser la souveraineté partagée, ce qui est très différent de la monarchie à l'anglaise. Regardez aujourd'hui, toutes nos démocraties vivent sur l'idée du partage de la souveraineté. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme la France, la souveraineté du peuple, qui est le seul pouvoir légitime de la démocratie française, est partagée entre le Conseil constitutionnel, le président, le Parlement. Tous les États démocratiques modernes vivent sur la règle du partage de la souveraineté. La Révolution française n'a pas réussi cette division de la souveraineté. Elle n'a pas eu le sens de la formidable puissance de la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, dans un sens, est encore plus puissante que la souveraineté des rois, parce que dans la souveraineté des rois, vous avez l'ordre divin. Derrière le roi, il y a un pouvoir encore plus puissant que le roi. Même s'il est imaginaire, il est très important, qui est Dieu. Dans la souveraineté du peuple, il n'y a pas d'appel. La souveraineté du peuple est absolue. La souveraineté démocratique est encore beaucoup plus forte que les souverainetés anciennes. Et nous avons tous, 200 ans après, qu'il faut l'organiser, cette souveraineté du peuple. Qu'il faut, par exemple, mettre les droits de l'homme au-dessus d'elle. Ce que la Révolution française ne fait pas. C'est la loi qui... Il y a un préambule à la Constitution qui est les droits de l'homme. Maintenant, mais pas dans la tradition révolutionnaire. La tradition révolutionnaire est légicentrique et elle considère que la loi votée par la représentation du peuple est suffisante pour assurer l'ensemble des garanties. Je ne pense pas du tout qu'il était possible d'instaurer un régime à l'anglaise en 89 dans un pays comme la France. Ce que je crois, si c'est très net, si vous comparez la Révolution américaine et la Révolution française, c'est qu'il y a dans la poussée révolutionnaire française, qui est double, le sentiment anti-aristocratique et la reconstitution du social sur la souveraineté du peuple, il y a quelque chose que les Français n'ont pas réussi à apprivoiser. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre de l'histoire de façon claire, puisque la Révolution française se termine à nouveau par la souveraineté d'un seul, mais qui est censé être fondée sur la souveraineté du peuple. Qu'est-ce que c'est que le mouvement de la Révolution française sur 10 ans, si vous la prenez pour 10 ans, ce qui vous remplit d'un peu de mélancolie? Vous passez de la souveraineté d'un homme de droit divin à la souveraineté d'un homme fondée sur le droit du peuple. Mais il faut pas vous cacher que c'est le souverain légitimé par la souveraineté du peuple qui est 1000 fois plus despotique que le souverain qu'on a renversé en 1789. Napoléon Bonaparte exerce un pouvoir absolu incomparablement plus grand que les rois de France au XVIIIe siècle. Mais vous n'avez pas l'air d'être convaincu, mais moi je vous le dis parce que c'est une évidence historique. Il y a beaucoup plus de prisonniers politiques sous Napoléon Bonaparte que sous Louis XVI. Moins de liberté de la presse sous Napoléon Bonaparte que sous Louis XVI. Mais l'idée de l'égalité devant la loi, elle travaille la société comme elle la travaillait déjà du temps de Louis XVI. Mais tout à fait, mais ça veut dire simplement que l'égalité peut être compatible aussi avec l'absence de liberté. Ça nous laisse une petite question quand même qui est récurrente dans tous les travaux actuels sur la Révolution, qui est l'œuvre de l'Ancien Régime. Parce que cet Ancien Régime qui avait mis tout le pouvoir, toute la représentation du pouvoir dans le roi, a laissé un vide politique énorme. Oui. Alors qu'il est de bon ton aujourd'hui de saluer, après Tocqueville, l'œuvre à la fois administrative, l'œuvre érudite, la mise en place d'institutions par la monarchie, qui en fait étaient tout sauf des institutions politiques. La monarchie absolue a une responsabilité écrasante dans le déclenchement de la Révolution française, bien sûr. La Révolution française s'est pensée elle-même comme une rupture avec le passé, mais tout le monde sait bien qu'il n'y a jamais de discontinuité historique, de la même façon qu'il n'y a pas d'enfant sans parents. Et à ce moment-là, vous êtes donc obligé d'analyser l'idée de cette tabula rasa, de cette rupture absolue, comme au moins partiellement une illusion, et quelque chose où s'opère une reprise du passé. Moi, ce qui s'opère de la reprise du passé dans la Révolution, c'est le legs de l'absolutisme, si vous voulez. Disons ça autrement, il y a deux poussées formidables dans la Révolution française. Il y a une poussée individualiste égalitaire, qui est la poussée moderne par excellence, dans laquelle nous sommes toujours, et qui se manifeste avec une force énorme par suite de la passion anti-aristocratique. Bon, les gens détestent la noblesse, l'aristocratie, ils veulent une société d'individus égaux. Ils l'ont tout de suite au 4 août, et d'ailleurs personne n'est jamais revenu. C'est ce qu'il y a de définitif dans la Révolution française, c'est le 4 août. Alors là-dessus, à partir des individus libres et égaux, ils recherchent à faire une souveraineté publique, un État. Et c'est là que les choses se compliquent. Comme vous le savez, ils ont beaucoup de mal, puisque la Révolution française se manifeste par une succession de régimes extraordinairement rapides tous les 2 ans. On cherche une forme politique. Voilà, on cherche une forme politique, et on ne la trouve pas. On ne la trouve pas, comme vous dites, parce qu'il n'y a pas de tradition. On est obligé de rompre avec l'absolutisme, mais il n'y a rien. La seule tradition, c'est l'absolutisme. Voilà. Et à ce moment-là, on pense la souveraineté du peuple sur le modèle de l'absolutisme. Quelquefois, on m'accuse de calomnier la souveraineté du peuple. Au XXe siècle, nous avons assez d'exemples de révolutions qui se sont terminées dans la souveraineté absolue d'un despotisme pour que nous soyons quand même justifiés à aborder le problème. Interpréter la Révolution française à travers la Révolution russe, par exemple, n'est pas tout à fait possible. Bien sûr que non, mais je dis toujours le contraire. D'une façon générale, quand vous analysez un événement, vaut mieux l'interpréter à travers ce qui l'a précédé que ce qui l'a suivi. Vous risquez moins de vous casser la gueule. Mais vous pouvez, par contre, ce qui est très légitime, c'est d'interpréter la Révolution française à travers ce qui l'a précédé, c'est-à-dire la monarchie absolue, ce qui est quand même Tocqueville. Et à ce moment-là, ça vous évite de penser simplement et bêtement que les phases despotiques de la Révolution française soient dues simplement aux circonstances extérieures, et ça vous oblige à regarder le passé français. Et ça vous oblige à voir qu'il y a dans le passé français, interne à l'histoire de France, des éléments qui portent à la, je dirais, à l'absence de liberté politique et qui se reproduisent dans l'égalité. C'est ça que je dis depuis 25 ans, c'est ça qui ne devrait pas être si choquant aujourd'hui. Sauf qu'il y a parfois des risques d'interprétation de syllogisme où on peut supposer que vous attribuez à l'égalité un vice qui en fait est attribué au vide politique. Je ne dis pas un vice, je pense que dans les sociétés démocratiques modernes, il y a une tension entre l'égalité et la liberté. Vous le faites souvent avec un petit peu de soupçon. Quand vous parlez de la révolution de temps en temps, vous parlez au moment du procès, par exemple, des professionnels de la surenchère. Oui, ben c'est vrai. Marat est un professionnel de la surenchère. Mais c'est un peu autre chose aussi. C'est un homme qui a intériorisé l'humiliation. Peut-être, mais il n'y avait pas de quoi, parce qu'il a eu une vie, il a été médecin du comte d'Artois, il a fait un éloge de Montesquieu, c'est un opportuniste aussi, je dirais, sous l'ancien régime, il ne disait pas du tout ça. C'est un démagogue pour moi, je ne vois pas de difficulté pour dire que Robespierre a des parties de grand homme, je le dis souvent, je l'écris. Marat, non, je ne trouve ce qu'il écrit pas bon, mal pensé, ses livres sont mauvais, et je ne vois que de la démagogie populiste, Hébert idem. Mais il y a quelque chose que l'on retrouve dans le procès qui n'est pas résolu avec la Révolution et qui est le travail au noir de l'humiliation. C'est évident que la société française est une société d'humiliés par l'aristocratie et que la force énorme de la Révolution française, c'est l'anti-aristocratisme. Personne ne le nie. La question est de savoir si à partir de ce sentiment qui porte la France très vite à une société d'individus égaux, on refait facilement une démocratie compatible avec la liberté politique. L'histoire de la Révolution française répond, ce n'est pas facile, puisque moi j'ai écrit un livre pour montrer que ça a pris 100 ans en France, à refaire une république qui soit compatible avec la liberté. Vous comprenez, les Français du 19e siècle, quand on regarde de près ce qu'ils écrivent, ils sont contre la monarchie, parce que la monarchie c'est l'ancien régime, ils n'ont pas oublié, ils ne sont pas redevenus monarchistes. La monarchie est vraiment morte avec le régime. Mais ils ont peur de la république, pourquoi ? Donc c'est un acte symbolique fort. Fort. Parce que les deux premières années de la République en France, 92-94, ça a été l'arbitraire et la terreur. Si bien que les Français du 19e siècle sont ce peuple qui n'est ni monarchiste ni républicain. Ce qui, évidemment, au milieu, vous donne des Bonaparte. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire une analyse critique de la Révolution sans la détester ? Moi, c'est mon cas. Je ne déteste pas du tout la Révolution, j'en aime même beaucoup de parties, mais simplement je demande le droit... Alors quelle en est la force ? La Révolution ? Écoutez, quelle en est la force ? C'est un événement magnifique. Oui. C'est Hegel qui a dit « c'est un magnifique lever de soleil ». Vous avez un peuple qui prend subitement une ambition philosophique, qui dit « voilà, toutes les sociétés jusqu'ici ont été corrompues, maintenant nous allons faire des sociétés, une société sur la volonté libre des individus, etc. » C'est une ambition magnifique, qui reste encore tout à fait extraordinaire. C'est l'événement le plus universel de notre histoire. Et c'est un des événements qui me relie fortement à la communauté où je vis, la Révolution française. Vous aussi, probablement. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que je l'étudie depuis si longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout en accepter ? Non, je veux dire, c'est un événement extraordinairement compliqué, d'une vertigineuse complication, qui manifeste des traditions politiques multiples en 10 ans, qui est une nouveauté bouleversante. Simplement, c'est à la fois un énorme événement et une formidable tragédie. Si j'étais pessimiste, je dirais qu'il n'y a que les événements tragiques qui sont grands. Mais ce n'est même pas vrai. Il y a de grands événements heureux, pas beaucoup. Vous insistez souvent, vous, sur l'étrangeté de la Révolution française. Je crois que vous avez raison, mais je me demande si la Révolution française n'est pas devenue étrangère à ceux qui en sont ses continuateurs, c'est-à-dire qui ne comprennent pas le travail historique qui s'est accompli en 200 ans. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être trop de froideur ? La Révolution est étrangère parce que nous avons perdu le sens du monde qui l'a précédé. Voilà. Surtout ça. Plus personne ne sait ce qu'a été le monde monarchique, le monde aristocratique, et nous vivons dans le calme avec les valeurs démocratiques sans savoir qu'elles sont récentes. Qu'elles ont 200 ans dans l'histoire de l'humanité, ce qui est ridiculement court, ça fait 8 générations, ça veut dire on y touche presque. Et avant, on vivait dans un autre monde, dans un monde où les individus étaient dépendants, étaient soumis à la naissance, à un ordre de choses divin ou naturel, à des servitudes sociales et politiques tout à fait différentes. Autrement dit, le monde démocratique où nous vivons, nous avons perdu le sens de ses origines parce qu'il nous paraît trop familier. 1789-1799, l'invention de la démocratie moderne, le procès du roi, une émission de Pascal Werner avec François Furet, penser la révolution française chez Gallimard, la révolution 1770-1880 chez Hachette, dictionnaire critique de la révolution française chez Flammarion. Texte lu par Noël Simsolo. Groupe de réalisation, Arlette Dave, Pierre Laya et Vincent Deck. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 août 1989. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits et sur l'application Radio France.